Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, à 21h tapante sur les ondes du 100 FM de Radioactive, c'est Lost in Space. Votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, qui va revenir aujourd'hui sur quelques vieilles lubies de l'émission, à savoir la New Wave, et en particulier Gary Numan, quelqu'un qui jouait avec de Tubeway Army. C'est vraiment très synthétique, mais de la New Wave très, très, très électronique, finalement pas très rock'n'roll d'ailleurs, et qui a pavé le chemin pour de nombreuses expérimentations qui vont se révéler, en fait, souvent bien plus tard. En fait, c'est une vraie, vraie référence pour beaucoup de groupes, pas dire électro, mais synth-pop actuel. Et donc, ça va nous faire notre soirée du dimanche avec, donc, beaucoup de morceaux de Gary Numan, forcément, c'est le fil rouge de l'émission. Et puis, des trucs qui ressemblent. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de savoir ce que c'est, rendez-vous sur la page de la radio. C'est parti! Thank you.

Depuis des temps immémoriaux, deux principes se disputent l'empire des êtres et des choses. Le principe d'autorité et le principe de liberté. Thank you. conserver les multiples profits qu'ils tirent du principe d'autorité dont ils se réclament, et plutôt que de se les voir ravis tout à fait, les tenants de l'autorité ont été obligés de faire des concessions, d'admettre des tempéraments et de donner leur acquiescement à un régime social, paraissant concilier ces deux principes contradictoires en accordant à chacun d'eux la juste part qui lui est due. Dans ces conditions, disent-ils, l'État, expression souveraine de l'autorité légitime, est le plus ferme soutien et le garant le plus sûr de la liberté de chacun. We'll be right back. es fällt aus, und da fällt um ein Ding-Dong-Gefühl. Es fällt aus, wenn man mal weint wie ein Gummigewehr. Kompaktes Ding-Dong-Gefühl. Es ist ein Gummigewehr. Wir haben Mitleid, ein ganz kompaktes Mitleid. Puppe fällt um und Penis fällt aus und Puppe fällt um. Ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl, ein Ding-Dong-Gefühl. Penis, Puppe. Dans cette alliance de l'autorité et de la liberté, il n'y a qu'une mystification. Un trompe s'ajoutait aux innombrables duperies dont les pauvres et les asservis ont été dans le passé des victimes. With you and you, Yeah. C'est malheureux à dire, disait pourtant mon grand-père gendarme, mais ce qu'il faudrait, c'est une bonne guerre. Et j'en frémissais d'horreur. Ah oui, hein, ajoutait ma grand-mère, parce qu'avec tous ces jeunes à cheveux longs, on se demande où on va aller. Rassure-toi, mes mères, ils ont coupé leurs cheveux, leurs idées de liberté et de justice aussi. Safest of all, I can lock all my doors. C'est un quartier assez UP. Bah, pas assez UP, c'est un des quartiers plus UP en fait. High Street Kensington. Tu vois là, ces apparts là. Putain, t'as même pas idée comment ça vaut. Une fortune. Ah, mais là, putain, tu prends 100 mètres carrés, là c'est 40 000 mètres carrés là. Thank you. bah, bienvenue à la Casette, hein. Un supermarché coopératif, une structure à but non lucratif tenue par ses membres qui font 3 heures de bénévolat toutes les 4 semaines et qui du coup peuvent décider entre eux de prendre leur alimentation en main. Il y a quand même une culture d'hyperconsommation qui est développée dans ce pays. Bon, on connaît la généalogie de ça, hein, après-guerre, les pesticides, et en parallèle le développement du bio qui est devenu un label payant, alors que ça devrait être le contraire, hein, mais voilà. We'll be right back. Oui, Edouard Lear, c'est... je l'ai découvert par un groupe de musique, en fait. Un groupe de musique qui gravite à Paris avec que des vieux briscards, un arrangeur de Bachung, un contrebassiste de Higelin et le batteur de Moriarty, donc groupe dont je fais partie. Mm-hmm. Et ils ont repris des poèmes de cet auteur anglais du 19e qui est un peu le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du psychédélisme, je crois. Ah oui? Ouais, je dirais ça. Enfin, ils disent ça, en tout cas. Ben, c'est grâce à lui qu'il y a Paperback Writer des Beatles, que Lennon a inventé le Lennon Sense. Ah oui, ou là où lui avait inventé le nonsense. Il avait influencé aussi Lewis Carroll, c'est ça? Ben, je dirais que ce qui se dit, c'est que 10 ans avant Lewis Carroll, il est 10 ans plus âgé, il faisait déjà des histoires, il racontait déjà des histoires. Il était illustrateur, poète, il donnait des cours de dessin à la reine. Ornithologue aussi, non? Ornithologue, oui. Il y a plusieurs perroquets qui portent son nom. The shame that Thank you. l'obsession de la croissance, qui semble être la condition nécessaire du mieux-être individuel et collectif, était justement le principal obstacle à ce mieux-être. We were dust in a world of grim obsession. We were torn from out life from isolation. We were pulled from our path of least resistance. And the song we sang, what became of us? We all pray for the end, for the God to take us. We were falling down, one by one. We were awake, and the fear was all around. Scared. Le premier son. Une hanche libre. Un animal. Un chat. Qu'est-ce qui respire ? La vie. I was the best, I was them.